Ici Franck Dessort, aujourd'hui l'histoire, le Parc Summer, paradis urbain du Montréal de la Belle Époque. Le Parc Summer, ça se voulait d'abord un parc populaire où les gens se rendaient pour écouter de la musique, pour boire de la bière le long d'une belle terrasse qui surplombait le fleuve Saint-Laurent. C'était situé d'ailleurs tout près de l'actuelle maison de Radio-Canada, un peu au sud du fleuve à la rue Notre-Dame, mais au pied de la rue Visitation, là où nous sommes. Des femmes en robe longue et chapeau à plumes qui déambulent au bras de leurs soupirants en redingotes coiffées d'un canotier. Tout ça, évidemment, au son d'un orchestre en plein air. Ben, ce sont des images qui nous viennent spontanément à l'esprit quand on pense à ce qu'a pu être le Parc Summer, ce haut lieu de la culture urbaine à Montréal durant 30 ans, soit entre 1889 et 1919, durant une période que l'on aime bien appeler encore aujourd'hui la Belle Époque. Ce parc d'amusement au bord du fleuve offrait des divertissements les plus divers, les plus variés, de la musique populaire et classique aux spectacles de comédie et de vaudeville, en passant par les numéros de cirque et les combats sportifs. Il y en avait vraiment pour tous les goûts au Parc Summer. Rien n'était trop cher au prix d'un après-midi passé au Parc Summer. Que s'y déroulait-il donc qui pût nous rendre aussi dociles, aussi prévenants? Le plus extraordinaire spectacle, le seul capable de nous faire oublier le cirque. Non pas le faire oublier, mais plutôt le ressusciter. Je ne me trompe pas, c'était bel et bien un café-concert. À la fois pour ceux qui se détendaient sur la terrasse en savourant quelques revigotantes boissons, et pour ceux qui, coude à coude, à l'intérieur, écoutaient la musique en grignotant des noix salées. La musique n'était pas ici un prétexte, la sauce qui fait passer le plat. Dirigé par Ernest Lavigne, personnage légendaire, qui par son talent ainsi que par sa chevelure abondante et blanche rappelait je ne sais quel maestro étranger de l'époque, exécuté par des instrumentistes belges pour la plupart, dont l'enseignement a fait école à Montréal, la musique, loin d'être un simple intermède, tenait la première place au programme. Et j'ajoute tout de suite, afin qu'on ne se méprenne pas sur la qualité, sans jamais sacrifier au succès facile, c'est-à-dire au mauvais goût. Le Parc Summer, donc grand lieu de divertissement à Montréal au tournant du 19e siècle, tel que le décrivait dans ses mémoires Victor Barbeau, dont on entendait ici un extrait lu par Michel Keble. Alors pour nous faire revivre ce lieu, cette époque, nous accueillons Madame Mireille Barrière, historienne et auteure de différents ouvrages consacrés à la musique classique. Bonjour Madame. Bonjour. Donc le Parc Summer était situé juste ici, hein, à côté de la tour de Radio-Canada, donc pas très loin de la brasserie Molson. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement précisément les lieux là? Oui. Disons les limites géographiques, c'était à l'est, la rue Panay, au nord, Notre-Dame, à l'ouest, Plessis, et enfin, le sud aboutissait à la falaise qui surplombait le fleuve. Et c'est là, entre autres, qu'on voit aménager la fameuse terrasse du Parc Summer. Immense terrasse. Hein. Et tout ça bien ancré dans l'est de la métropole. C'est intéressant. Donc, ça a été un lieu important aussi pour le développement aussi de ce quartier. Oui. Ben, il faut dire qu'à l'époque, c'était la campagne. C'est la campagne? C'est la campagne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on implante le parc là. Parce que dans la philosophie qui courait dans les classes aisées, on disait qu'il fallait un poumon de respiration à la ville qui, de plus en plus, était hérissée des cheminées, des industries qui crachaient leur fumée noire. Et puis, il y avait de la poussière dans les rues. Alors, ouais. On disait il faut un bol d'air frais aux gens. Donc, on leur aménage cet endroit. Tout ça à côté du Faubourg Amelas. C'est ça, oui. Ouais, d'accord. Alors, donc, ce parc, il a été créé en 1889 par Ernest Lavigne. On en parlait justement dans l'extrait précédent. Un personnage foisonnant, vraiment. Parlez-nous un peu, justement, de ce personnage, de son parcours qui est assez singulier, quand même. Oui, absolument. Il est né à Montréal en 1851. Et contrairement à ses deux frères, Arthur et Emery, qui vont faire des carrières de musiciens, on dit qu'il n'y a pas eu de professeur connu, mais qu'il maîtrisait très bien le cornet. Et d'ailleurs, il a été un interprète louangé dans cette catégorie de musique. Bien qu'autodidacte, comme vous l'avez dit. Oui, oui, oui, autodidacte. Alors, on le suit à 17 ans alors qu'il s'embarque avec un régiment de zouaves pontificaux. Ah oui, oui, il y a plusieurs Québécois là qui sont allés... 500. Et puis c'était pour protéger le pape des assauts des armées du roi Victor Emmanuel II, qui en avait assez d'avoir sa capitale à Turin, mais qui voulait retourner à Rome pour des raisons évidentes, mais le pape ne voulait pas céder. Alors, il a donc passé du temps, surtout à faire de la musique, dans des soirées de nobles. Et puis, en 1870, Victor Emmanuel réussit son pari, il envahit Rome. Les zouaves doivent refaire leurs valises et rentrer au pays, pas Lavigne. Lavigne, lui, décide de faire son tour d'Europe. Alors, pendant 3 ans, il va à peu près dans toutes les capitales. Il gagne sa vie là, avec son cornet. Et là, il voit un paquet de choses. Il y a beaucoup de musique en plein air, des cafés-concerts, des parcs musicaux. Il emmagasine ça. 30 ans à l'avance, et c'est ce qui va l'inspirer. Quand il va décider, n'oublions pas son associé, Louis-Joseph Lajoie, qui probablement a investi beaucoup aussi dans l'aventure. Justement, alors qu'est-ce qui a conduit Ernest Lavigne dans l'immédiat justement à fonder ce parc-là? Parce qu'il a été commerçant par la suite, hein, quand il est revenu au Canada. Oui, c'est ça, en 1877. Il a été associé avec Lajoie justement à partir de 1881. Et là, c'est qu'ils sentent que le terrain est prêt, là. Le discours qu'on transmet dans les journaux, on disait justement que les gens n'ont pas d'endroit, les ouvriers, surtout les travailleurs... Oui, il n'y avait pas beaucoup de divertissement pour eux à l'époque. Non. C'est ça, c'est sûr que ceux qui étaient des gangs petits n'avaient pas grand-chose. Pour aller dans les théâtres, par exemple, à Montréal, là, dans l'axe de la rue Sainte-Catherine, fallait payer, et puis c'était très cher. Quand on pense qu'un ouvrier gagnait en moyenne 10 cents de l'heure, si le spectacle réclamait des frais de 25 cents, c'était inaccessible. Oui. Alors, tandis qu'au Summer, ça a été 10 cents tout le temps, 5 cents pour les enfants. Donc, ça ouvrait. C'était plus accessible à une classe sociale moyenne, là, ou petite, des ouvriers spécialisés qui pouvaient les fréquenter même en famille. Donc, Ernest Lavigne, commerçant, commerce de musique, oui. Avec son frère, décide donc d'ouvrir ce parc Summer. Et d'ailleurs, le nom Summer vient de produits qu'il vendait à son magasin. C'est-à-dire, il était concessionnaire exclusif des pianos Summer. Et d'ailleurs, on avait dit, il y en a qui avaient dit que peut-être que la compagnie avait investi dans l'ouverture du parc, dans son financement, mais ça n'a jamais été prouvé. Mais vous comprenez, il n'était pas bête, Lavigne. C'était toute une affiche publicitaire. Il y a 1 million de personnes qui ont fréquenté le Summer puis qui voyaient ça. Et même, on a eu le fabricant de cigares, Joseph-Marie Fortier, qui a fabriqué un cigare Summer. Qu'on vendait sur le terrain. Alors, c'est dire évidemment l'impact que ça pouvait avoir. Oui, ça a eu des retombées incroyables. Et donc, ça a connu, ce Park Summer, un succès rapide. Vous disiez que ça comblait un besoin qui était assez évident. On l'a vu, là, parce que très rapidement, les gens se sont rués au Park Summer. Là. Ah oui, on dit que le jour de l'inauguration, le 1er juin 1889, il tombait des cordes à Montréal. Ah bon? Il faisait mauvais. Mais que ça n'avait pas empêché 20 000 personnes d'y aller. Vous comprenez, la publicité avait préparé la population en disant que ça allait être extraordinaire. On leur disait tout ce qu'il y avait comme accommodement, distraction. Alors, on s'est dit, beau, pas beau, on y va. Il faut absolument qu'on voit ça tout de suite. Oui. Et donc, le parc, d'ailleurs, va connaître aussi une expansion encore plus grande à la faveur de la construction d'un pavillon en bois. Ça sera vraiment ça un point tournant là, qui va vraiment assurer la pérennité de l'endroit, peut-on dire. Oui, parce que, évidemment, la saison régulière du Summer, ça commençait fin mai ou début juin jusqu'à la mi-octobre, c'est-à-dire pendant l'été et puis le début de l'automne, et ça fermait. On commençait l'année suivante, à peu près aux mêmes dates. Mais là, ce que la vigne veut, c'est de poursuivre ses activités le dimanche. Donc, en faisant construire ce pavillon de bois-là, qui pouvait contenir jusqu'à 7 000 ou 8 000 personnes, il y avait une fosse d'orchestre, il y avait une salle, c'était chauffé en hiver. Chauffé? Oui, oui, oui. Mais c'était rafraîchi en été parce que les murs du parc étaient mobiles, c'est-à-dire qu'on les relevait l'été pour faire rentrer l'air frais. Et on les rabattait l'hiver pour chauffer. Bon, évidemment, on y présentait toutes sortes d'attractions, de divertissements les plus variés, on l'a dit un petit peu plus tôt. Et pour avoir une petite idée, Mme Barrière, de cela, on peut écouter comme ça le collègue Normand Séguin lire une annonce de l'époque. Depuis quelques jours, un carrousel de 64 places est en opération. Sous une bâtisse élégante, brillamment éclairée le soir, s'exécute le défilé fantastique des chevaux, éléphants, chameaux, lions et autres quadrupèdes au son du nouvel orgue de Gavioli, le fameux manufacturier de la place du Trône à Paris. Les personnes qui veulent se payer le luxe des sensations d'un voyage sur mer, sans accepter le roulis et le tangage, peuvent se hisser sur le Razzle Dazzle. Ce jeu n'est pas pour les enfants. Les attractions les plus choisies sont déjà engagées pour la saison d'été. Le grand manège électrique, bâti sur le plan du seul qui existe au monde et qui a été exhibé pour la première fois à l'exposition électrique de Francfort-sur-le-Main en 1891, est déjà très avancé et sera probablement complété pour la fête nationale des Français. En voilà autant, sinon plus, que dans aucune ménagerie de cirque. Ajoutez à cela les programmes choisis qu'exécutent, après-midi et soir, les artistes de M. Ernest Lavigne. Et vous aurez une idée de ce que l'on voit et entend dans ce parc où tout n'est que musique, chant, joie, amusement et gaieté. La population de Montréal doit être reconnaissante envers ceux qui ont eu l'idée de créer ce petit paradis terrestre. C'était assez unique, hein, donc une grande variété de divertissements là, qui était offert. Oui, qu'on ne trouvait pas ailleurs en ville, par exemple. Alors, donc musique, mais des combats sportifs aussi. Oui, lutte, boxe, les exploits de Louis Cyr. Bon, tout était accueilli. Ça, c'est sans compter tout le reste, là, qui tenait du cirque, des funambules, des contorsionnistes, des équilibristes, enfin... tout ce que vous voulez. Pour tous les goûts et en fait pour toutes les classes, peut-on dire aussi, parce que c'est un lieu de mixité sociale. C'est intéressant, vous disiez un petit peu plus tôt, c'était très accessible, mais on trouvait des gens, donc ça se mélangeait, là. Ah oui, écoutez un peu, les dames patronesses de l'hôpital Notre-Dame tenaient leur tombeau-là au Parc Sommer. Donc, c'était un lieu respectable. L'Union nationale française y célébrait son 14 juillet. Alors, le consul de France et sa suite y assistaient. Tout comme on avait, des gens tout à fait simples qui, eux, allaient dans les divers amusements qui étaient mis à leur disposition. Ce fameux carrousel-là, je ne sais pas si c'est vrai, un témoin a dit qu'il était activé par une jument. Alors... J'imaginais ça. J'ai de la difficulté, mais s'il le dit, bon. Donc, évidemment, c'était un lieu de mixité. Et tout ça était bien vu par l'establishment de l'époque, par les élites et tout ça. Parce que c'était un endroit, et ça, la vigne, il voyait, ouais. Qui était très respectable. Il y avait des policemen, comme on disait, qui surveillaient. Ah. Et s'il y avait des fauteurs de troubles, ils étaient mis à la porte sans ménagement. Et vous avez même le premier ministre du Québec, Louis-Olivier Taillon, qui va répondre à des gens qui, comme par exemple les ligues de moralité ou encore de tempérance, sans compter les pasteurs protestants et les curés catholiques qui étaient contre le Sommer, eh bien, mon Dieu, ils vont dire, écoutez un peu, le premier ministre va dire, moi, j'y vais souvent au Sommer, puis c'est respectable en tout point. Alors, on peut s'imaginer que c'était un peu l'équivalent, et c'était un peu l'inspiration d'Ernest Laving aussi, de ces grands parcs que l'on voyait d'ailleurs, qui étaient représentés par, sur l'étoile de Manet. Hein, oui, le bal au moulin de la galette de Renoir. Ou l'île de la grande jatte, tout ça, oui, où on voit donc ces dames comme ça, avec des chapeaux à plumes et tout ça. Évidemment, la grande attraction du Parc Summer, c'était la musique, bien entendu, les orchestres en plein air. Qu'est-ce qu'on pouvait y entendre exactement? Moi, c'était un programme varié. Parce que Laving, c'était un pédagogue, alors il savait qu'il s'adressait à un public pas nécessairement connaisseur. Alors, un programme musical commençait ordinairement par une marche. Ensuite, c'était suivi par une ouverture d'opéra. Puis il y avait de la musique de danse. Il y avait toujours une valse, une polka, un galop, une mazurka. Et là, il y avait de la musique imitative. Par exemple, la forge dans la forêt. Donc, on devait entendre l'enclume là, et tout. Ou bien, ce que j'ai trouvé comme musique imitative, c'était la marche de l'armée du salut. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on entendait, peut-être les clochettes. Oui, c'est ça. Pour avoir une petite idée, Mme Barrière, on peut entendre justement, parce qu'il y avait de la chanson aussi, une pièce écrite précisément par Ernest Laving, donc cofondateur du Parc Summer, et qui décrit bien, je pense, aussi l'atmosphère de l'époque. Une chanson qui est intitulée « Mon chapeau des dimanches ». C'était dimanche et l'on partait en famille cueillir la fraise. Comme Monsieur Paul en était, mon petit cœur tressaillait d'aise. Bientôt dans le bois de Clamart, de par deux la bande s'élance. J'étais près de Paul par hasard, il m'offrit son bras en silence. Ce bras frémissait sur le mien, dans ses yeux je lisais. Alors, comme de fait, la journée par excellence pour fréquenter le Parc Summer, c'était le dimanche, hein? Ah oui, oui, c'est là qu'il y avait le plus grand afflux de public. Bon, parce que le dimanche, ordinairement, c'était un jour de congé dans l'entreprise, dans les milieux de travail. Alors, et c'est pour ça, par exemple, que Ernest Laving s'est battu pour vendre la bière lager oui, le dimanche. Oui, c'était pas évident, ça. Hein? Ah, mon Dieu, toutes les ligues de tempérance se sont ameutées. Mais en fin de compte, il a gagné son point de vue parce que le Parlement du Québec a bétonisé ça dans une loi. Donc, on a pu lever le verre à la santé de nos voisins ou... Parler de l'Assemblée nationale et un peu plus tôt de la visite du premier ministre Taillon. Le Parc Summer, c'était aussi un lieu de rassemblement politique. Il y a eu beaucoup de visites, là, évidemment. Il y avait le monde, le peuple était là. Là. Ben oui, ben, les deux grands orateurs, c'était Wilfrid Laurier et Honoré Mercier. Alors, on les a entendus souvent. Et c'est sûr que les gens se rassemblaient parce que c'était les héros du peuple. Hein. Au fédéral, c'était Laurier. Et au provincial, c'était Mercier. Oui, Mercier qui avait donné, je pense, un célèbre discours sur l'avenir du Canada en 1893. Oui, oui, oui, qui disait comment il voyait l'avenir du pays. Et sa péroraison était tellement sur le plan du style que tous les gens qui étaient assis se sont levés pour l'écouter. Frou, frou, frou, frou, par son jupon, la femme. Frou, frou, frou, frou, de l'homme trouble l'âme. Frou, frou, frou, frou, certainement la femme séduit surtout par son gentil frou, frou. Froufrou, bien sûr, Mme Barrière, une chanson très, très populaire de la belle époque. On a certainement dû entendre en se promenant à ce moment-là au Parc Summer. Oui, ben c'est que le parc, la vigne invitait des chanteuses ou des chanteurs pour balancer quelques petits succès ici et là. Par exemple, il y avait Morez, Léonce et il y avait Vérande qui étaient des interprètes de chansonnettes reconnues et très appréciées. Et alors, la chanson était présente aussi. Mais toute bonne chose a une fin, comme on dit, bien sûr. Après avoir été un haut lieu comme ça de la vie culturelle, sociale, politique de Montréal, ben, le Park Summer va disparaître à la suite d'un incendie tragique en 1919. Mais déjà, le déclin, bien avant, était amorcé, Mme Barrière, je pense. Oui, c'est-à-dire que le parc a eu des concurrents qui étaient déjà rendus au 20e siècle, si je puis dire. Alors que le Summer, c'était un peu la fin de siècle, le 19e, romantique, etc. Et qui avait les équipements les plus à point, entre autres, le parc Dominion, qui était plus à l'est, là, au bord du fleuve, et qui a été le premier à avoir des montagnes russes. Alors ça attirait tout le monde. Et le parc Dominion s'annonçait en disant « on a 1000 nouveautés ». Hein? Il y avait une maison du fou rire, il y avait même une salle de danse et il y avait une piste qui était réservée aux patineurs à roulettes. Parce que c'était la folie furieuse à ce moment-là à Montréal. On avait des patinoires à roulettes partout. Donc le Park Summer avait fait un peu son temps, mais il sera détruit. L'amphithéâtre, les bâtiments seront rasés en 1919. Il restera plus le 24 mars 1919, oui. Et d'ailleurs, on pense que l'incendie, justement, a pris naissance dans le pavillon. Alors, le parc est brûlé jusqu'au sol et le gérant de l'époque, Bertrand, dit « on va reconstruire », mais évidemment, c'était des paroles en l'air. C'était fini, le Summer. Et donc, ça a sonné le glas donc, de ce qui était un endroit unique à Montréal, un lieu de rassemblement comme on n'en verra plus d'autres par la suite dans la métropole. Bien, on en verra d'autres, oui, mais celui-là est resté, moi je pense, c'est à cause du personnage de Lavigne. C'est que Lavigne, c'était une icône, hein? Et tout le monde l'admirait. Ça me fait penser un peu à Yannick Nézet-Séguin, si vous voulez. Il était très présent dans les médias. On publiait des reportages, beaucoup de photos. Du charisme. Ah, beaucoup de charisme. Et je pense que c'est surtout à lui qu'on doit cette pérennité de la mémoire. Madame Barrière, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Notre invitée, Mme Mireille Barrière, historienne qui nous faisait revivre à sa façon ce lieu mythique qu'était le Park Summer à Montréal et aussi la mémoire d'Ernest Lavigne, bien sûr, qui était tout à fait liée à ce destin-là. Voilà, c'est ce qui conclut cette édition d'Aujourd'hui l'Histoire. L'équipe aujourd'hui à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site internet c'était Mathieu Arsenault, à la technique Tania Gancheva. Aujourd'hui, l'histoire est une réalisation de Mathieu Beauchamp. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Franck Dessort, au nom de toute l'équipe, merci de votre attention et à la prochaine.